Le 10e salon international de livres scientifiques et techniques de Pyongyang aura lieu du 26 au 28 courant au Palais des sciences et techniques. Y prendront part les organisations de divers pays et régions du monde, ainsi que les institutions internationales qui présenteront les livres et données scientifiques et techniques de pointe de valeur de divers secteurs.